Mon camarade ramassa le morceau de bois encore allumé et avança encore quelques pas. Comme j'avais fini d'attacher le cheval sous l'avant-toit qui masquait la porte, j'entrai et je l'aperçus avec sa lumière à la main au milieu d'un nuage de fumée. Avec son manteau blanc, il ressemblait à un pénitent de la même couleur. Il jetait des regards à droite et à gauche, ne voyant personne, parce qu'il ne pouvait pas voir dans le fond de l'habitation. Lorsqu'il se fut assuré que j'étais entré, rompant le silence et s'efforçant de faire une voix douce, il souhaita le mieux qu'il pût le bonjour en langue polonaise. Je le répétai, mais d'une voix faible. Notre bonjour, quoique mal exprimé, fut entendu, car nous vîmes venir à nous un vieillard, qui, aussitôt qu'il aperçut Picard, se mit à crier « Ah, ce sont des Français, c'est bon !» Il le dit en polonais et le répéta en allemand. Nous lui répondîmes de même que nous étions Français et de la garde de Napoléon. Au nom de Napoléon et de sa garde, le brave Polonais, car c'en était un, s'inclina et voulait nous baiser les pieds. Au mot de « français » répété par la vieille femme, nous vîmes deux autres femmes, plus jeunes, sortir d'une espèce de cachette, qui s'approchèrent de nous en manifestant de la joie. Picard les reconnut pour celles qu'il avait vues dans la forêt et dont nous avions suivi les traces. Il n'y avait pas 5 minutes que nous étions chez ces braves gens, que je faillis être suffoqué par la chaleur à laquelle je n'étais plus habitué, ce qui me força à me retirer près de la porte, où je tombai sans connaissance. Picard se retourna et courut pour me secourir. Mais la vieille femme et une de ses filles m'avaient déjà relevé et m'avaient fait asseoir sur une espèce d'escarbelle en bois. Lorsque je fus débarrassé de la marmite, ainsi que de ma peau d'ours et de mon fourniment, je fus conduit dans le fond de l'habitation, où l'on me coucha sur un lit de camp garni de peaux de mouton. Les femmes avaient l'air de nous plaindre, en voyant comme nous étions malheureux, particulièrement moi, qui étais si jeune et avais bien plus souffert que mon camarade. La grande misère m'avait rendu si triste que je faisais peine à voir. Le vieillard s'était occupé de faire entrer notre cheval, et tout fut en mouvement pour nous être utile. Picard pensa à la bouteille de genièvre qui était dans ma carnassière. Il m'en fit avaler quelques gouttes. Il en mit ensuite dans l'eau et, un instant après, je me trouvais beaucoup mieux. La vieille femme me tira mes bottes que je n'avais pas ôtées depuis Smolensk, c'est-à-dire depuis le 10 novembre, et nous étions le 23. Une des jeunes filles se présenta avec un grand vase en bois rempli d'eau chaude, le posa devant moi et, se mettant à genoux, me prit les pieds l'un après l'autre tout doucement, me les posa dans l'eau et les lava avec une attention particulière et en me faisant remarquer que j'avais une plaie au pied droit. C'était une engelure de 1807 à la bataille d'Eylau et qui depuis ce temps ne s'était jamais fait sentir, mais qui venait de se rouvrir et me faisait dans ce moment cruellement souffrir. L'autre jeune fille, qui paraissait l'aînée, en faisait autant à mon camarade, qui d'un air confus se laissait faire tranquillement. Je lui dis qu'il était bien vrai qu'une inspiration du bon Dieu l'avait porté à suivre les traces de ces jeunes filles. « Oui, dit-il, mais en les voyant passer dans la forêt, je ne pensais pas qu'elles nous auraient aussi bien accueillis. « Je ne vous ai pas encore dit, continua-t-il, que ma tête me faisait un mal de diable, et que depuis que je suis un peu reposé, cela se fait sentir. Vous allez voir tout à l'heure que la balle de ce chien de Cosaque m'aura touché plus près que je ne pensais. Nous allons voir. » Il dénoua un cordon qu'il avait sous le menton et qui servait à tenir 2 morceaux de peau de mouton, attachés de chaque côté de son bonnet à poils, afin de préserver ses oreilles de la gelée. Mais à peine était-il décoiffé que le sang commença à ruisseler. « Voyez-vous, me dit-il, mais cela n'est rien, ce n'est qu'une égratignure. La balle aura glissé sur le côté de la tête. » Le vieux Polonais s'empressa de lui ôter son fourniment qu'il avait perdu l'habitude de quitter, de même que son bonnet à poils, avec lequel il couchait toujours. La fille qui lui lavait les pieds lui lava aussi la tête. Tout le monde se mit autour de lui pour le servir. Le pauvre Picard était tellement sensible aux soins qu'on lui donnait que de grosses larmes coulaient le long de sa figure. Il fallait des ciseaux pour lui couper les cheveux. Je pensais de suite à la giberne du chirurgien que j'avais prise sur le Cosaque, et me l'ayant fait apporter, nous y trouvâmes tout ce qu'il nous fallait pour le pansement. 2 paires de ciseaux et plusieurs autres instruments de chirurgie, de la charpie et des bandes de linge. Après lui avoir coupé les cheveux, la vieille femme lui suça la plaie, qui était plus forte qu'il ne pensait. Ensuite, on lui mit un peu de charpie, une bande et un mouchoir. Nous trouvâmes la balle logée dans des chiffons dont le fond de son bonnet était rempli. L'aile gauche de l'aigle impérial placée sur le devant du bonnet était traversée. tout en faisant l'inspection de ce qu'il contenait, il jeta un cri de joie. C'était sa pipe qu'il venait de retrouver, un vrai brûle-gueule qui n'avait pas 3 pouces de long. Aussi alluma-t-il de suite le tabac. Il n'avait pas fumé depuis Smolensk. Lorsque nos pieds furent lavés, on nous les essuya avec des peaux d'agneau, que l'on mit ensuite dessous pour nous servir de tapis. L'on mit sur la plaie de mon pied une graisse qui, m'assurait-on, devait me guérir en peu de temps. L'on me montra la manière dont je devais m'en servir, et l'on m'en mit dans un morceau de linge que je renfermais dans la giberne du docteur, avec tous les instruments qui avaient servi à panser la tête de Picard. Nous étions déjà beaucoup mieux. Nous les remerciâmes des soins qu'ils nous donnaient. Le Polonais nous fit comprendre qu'il était au désespoir, vu les circonstances, de ne pouvoir mieux faire, qu'il faut en voyage loger ses ennemis et leur laver les pieds, à plus forte raison à ses amis. Dans ce moment, nous entendîmes la vieille femme jeter un cri et courir. C'était un grand chien que nous n'avions pas encore vu, qui emportait le bonnet à poil de Picard. On voulait le battre, mais nous demandâmes sa grâce. Je proposai à Picard de faire la visite du porte-manteau qui était encore sur le cheval. Il se fit conduire près de l'animal. Rien ne lui manquait. Il prit le porte-manteau qu'il apporta près du poil. Nous y trouvâmes premièrement 9 mouchoirs des Indes tissés en soie. « Vite, dit Picard, chacun d'eux à nos princesses et un à la vieille, et gardons les autres. » Cette première distribution fut vite faite, au grand contentement des personnes qui les recevaient. Nous trouvâmes ensuite 3 paires d'épaulettes d'officiers supérieurs, dont une de maréchal de camp, 3 montres en argent, 7 croix d'honneur, 2 cuillères en argent, plus de 12 douzaines de boutons de hussards dorés, 2 boîtes de rasoir, 6 billets de banque de 100 roubles, plus un pantalon en toile tachée de sang. J'espérais trouver une chemise. Malheureusement, il ne s'en trouva pas. C'était la chose dont j'avais le plus besoin, car la chaleur avait ravigoté la vermine qui me dévorait. Les jeunes filles faisaient de grands yeux et tenaient dans les mains ce que nous leur avions donné, ne pouvant croire que c'était pour elles. Mais la chose qui leur fit le plus de plaisir fut les boutons dorés que nous leur donnâmes, ainsi qu'une bague en or que je pris plaisir à leur mettre au doigt. Celle qui m'avait lavé les pieds ne fut pas sans remarquer que je lui donnais la plus belle. Il est probable que les Cosaques coupaient les doigts aux hommes morts pour les prendre. Nous fîmes présent au vieillard d'une grosse montre anglaise et de 2 rasoirs, ainsi que de toute la monnaie russe, d'une valeur de plus de 30 francs, dont une partie se trouvait aussi dans le porte-manteau. Nous remarquâmes qu'il avait toujours les yeux fixés sur une grande croix de commandeur, à cause du portrait de l'empereur. Nous la lui donnâmes. Sa satisfaction serait difficile à dépeindre. Il la porta plusieurs fois à sa bouche et sur son cœur. Il finit par se l'attacher au cou avec un cordon en cuir, en nous faisant comprendre qu'il ne la quitterait qu'à la mort. Nous demandâmes du pain. L'on nous en apporta un qu'il n'avait pas, disait-il, osé nous présenter, tant il était mauvais. Effectivement, nous ne pûmes en manger. Ce pain était fait d'une pâte noire, remplie de grains d'orge, de seigle et de morceaux de paille hachés à vous arracher le gosier. Il nous fit comprendre que ce pain provenait des Russes, qu'à 3 lieues de là, les Français les avaient battus le matin et leur avaient pris un grand convoi. Que les Juifs qui leur avaient annoncé cette nouvelle et qui se sauvaient des villages situés sur la route de Minsk leur avaient vendu ce pain, qui n'était pas mangeable. Enfin, quoique depuis plus d'un mois je n'en avais pas mangé, il me fut impossible de mordre dedans tant il était dur. D'ailleurs, j'avais depuis longtemps les lèvres crevassées et qui saignaient à chaque instant. Lorsqu'ils virent que nous ne pouvions pas en manger, ils nous apportèrent un morceau de mouton, quelques pommes de terre, des oignons et des concombres marinés. Enfin, ils nous donnèrent tout ce qu'ils avaient, en nous disant qu'ils feraient leur possible pour nous procurer quelque chose de mieux. En attendant, nous mîmes le mouton dans la marmite pour nous faire une soupe. Le vieillard nous dit qu'il y avait à une forte demi-lieue un village où tous les Juifs qui étaient sur la route s'étaient réfugiés, dans la crainte d'être pillés. Et comme ils avaient emporté leur vivre avec eux, il espérait trouver quelque chose de mieux que ce qu'ils nous avaient donné jusqu'à présent. Nous voulûmes lui donner de l'argent. Il le refusa, en disant que celui que nous lui avions donné, ainsi qu'à ses filles, servirait à cela, et qu'une d'elles était déjà partie avec sa mère et le grand chien. On nous avait arrangé un lit à terre, composé de paille et de peau de mouton. Depuis un moment, Picard s'était endormi. Je finis par en faire autant. Nous fûmes réveillés par le bruit que faisait le chien de la cabane en aboyant. « Bon, dit le vieux Polonais, c'est ma femme et ma fille qui sont de retour. » Effectivement, elles entrèrent. Elles nous apportaient du lait, un peu de pommes de terre et une petite galette de farine de seigle qu'elles avaient pu avoir à force d'argent. Mais pour de l'eau-de-vie, ni mât. Le peu qu'il y avait venait d'être enlevé par les Russes. Nous remerciâmes ces bonnes gens qui avaient fait près de 2 lieues dans la neige jusqu'aux genoux pendant la nuit, par un froid rigoureux, en s'exposant à être dévorés par les loups ou les ours, en grand nombre dans les forêts de la Lituanie, et surtout dans ce moment, car ils abandonnaient les autres forêts que nous brûlions dans notre marche, pour se retirer dans d'autres qui leur offraient plus de sûreté et de quoi manger, par la quantité de chevaux et d'hommes qui mouraient chaque jour. Nous fîmes une soupe que nous dévorâmes de suite. Après avoir mangé, je me trouvais beaucoup mieux. Cette soupe au lait m'avait restauré l'estomac. Ensuite, je me mis à réfléchir, la tête appuyée dans les deux mains. Picard me demanda ce que je pensais. « Je pense, lui dis-je, que si je n'étais pas avec vous, mon vieux brave, et retenu par l'honneur et mon serment, je resterais ici, dans cette cabane, au milieu de cette forêt, avec ces bonnes gens. »« Soyez tranquille, me dit-il, j'ai fait un rêve qui m'est de bon augure. » J'ai rêvé que j'étais à la caserne de Courbevoie, que je mangeais un morceau de boudin de la mer au bout, et que je buvais une bouteille de vin de Suresne. Pendant que Picard me parlait, je remarquai qu'il était fort rouge et qu'il portait souvent la main droite sur son front, et quelquefois à la place où il avait reçu son coup de balle. Je lui demandai s'il avait mal à la tête. Il me répondit que oui, mais que c'était probablement occasionné par la chaleur, ou pour avoir trop dormi. Mais il me sembla qu'il avait de la fièvre. Son voyage à la caserne de Courbevoie me faisait croire que je ne m'étais pas trompé. « Je vais continuer mon rêve, dit-il, et tâcher de rejoindre la mer au bout. Bonne nuit. » 2 minutes après, il était endormi. Je voulus me reposer, mais mon sommeil fut souvent interrompu par des douleurs que j'avais dans les cuisses, suite des efforts que j'avais faits en marchant. Il n'y avait pas longtemps que Picard dormait, lorsque le chien se mit à aboyer. Les personnes de la maison en furent surprises. Le vieillard, qui était assis sur un banc près du poêle, se leva et saisit une lance attachée contre un gros sapin qui servait de soutien à l'habitation. Il alla du côté de la porte. Sa femme le suivit et moi, sans éveiller Picard, j'en fis autant, ayant toutefois la précaution de prendre mon fusil qui était chargé et la baïonnette au bout du canon. Nous entendîmes que l'on dérangeait la première porte. Le vieillard ayant demandé qui était là, une voix nasillarde se fit entendre et l'on répondit « Samuel ». Alors la femme dit à son mari que c'était un juif du village, où elle avait été le soir. Lorsque je vis que c'était un enfant d'Israël, je repris ma place, ayant soin toutefois de rassembler autour de moi tout ce que nous avions, car je n'avais pas de confiance dans le nouveau venu. Je dormis assez bien 2 heures, jusqu'au moment où Picard m'éveilla pour manger la soupe au mouton. Il se plaignait toujours d'un grand mal de tête, par suite probablement de ses rêves, car il me dit qu'il n'avait fait que rêver Paris et Courbevoie, et sans se rappeler qu'il m'en avait déjà conté une partie, il me dit que dans son rêve, il avait été danser à la barrière du Roule, où, me dit-il, il avait bu avec des grenadiers qui avaient été tués à la bataille d'Eylau. Comme nous allions manger, le juif nous présenta une bouteille de genièvre que Picard s'empressa de prendre. Alors il lui demanda qui il était et d'où il venait. Il lui parlait en allemand. Ensuite, il goûta ce que contenait la bouteille, et pour remercier, finit par lui dire que cela ne valait pas le diable. Effectivement, c'était du mauvais genièvre de pommes de terre. L'idée me vint que le juif pourrait nous être très utile en le prenant pour guide. Nous avions de quoi tenter sa cupidité. De suite, je fis part à Picard de mon idée, qu'il approuva, et comme il se disposait à en faire la proposition, notre cheval qui était couché se releva tout effrayé, en cherchant à rompre le lien auquel il était attaché. Le chien se mit à beugler. Au même instant, nous entendîmes plusieurs loups qui vinrent hurler autour de la baraque et même contre la porte. C'était à notre cheval qu'ils en voulaient. Picard prit son fusil pour leur faire la chasse, mais notre hôte lui fit comprendre qu'il ne serait pas prudent à cause des Russes. Alors il se contenta de prendre son sabre d'une main et un morceau de bois de sapin tout en feu de l'autre, se fit ouvrir la porte et se mit à courir sur les loups qu'il mit en fuite. Un instant après, il rentra en me disant que cette sortie lui avait fait du bien, que son mal de tête était presque passé. Ils revinrent encore à la charge, mais nous ne bougeâmes plus. Le juif, comme je m'y attendais, nous demanda si nous n'avions rien à vendre ou à changer. Je dis à Picard qu'il était temps de lui faire des propositions pour qu'il puisse nous conduire jusqu'à Borisso, ou jusqu'au premier poste français. Je lui demandai combien il y avait de l'endroit où nous étions à la Bérézina. Il nous répondit que par la grande route, il y avait bien 9 lieues. Nous lui fîmes comprendre que nous voulions, si cela était possible, y arriver par d'autres chemins. Je lui proposai de nous y conduire moyennant un arrangement. D'abord, les 3 paires d'épaulettes que nous lui donnions de suite et un billet de banque de 100 roubles, le tout d'une valeur de 500 francs. Mais je mettais pour condition que les épaulettes resteraient entre les mains de notre hôte, qu'il les lui remettrait à son retour, que pour le billet de banque, je lui donnerais à notre destination, c'est-à-dire au premier poste de l'armée française, que sur la présentation d'un foulard que je montrais aux personnes présentes, on lui remettrait les épaulettes, mais que lui, Samuel, remettrait aux personnes de la maison 25 roubles, que le foulard serait pour la plus jeune fille, celle qui m'avait lavé les pieds. L'enfant d'Israël accepta, non sans faire quelques observations sur les dangers qu'il y avait à courir, en ne passant pas par la grande route. Notre hôte nous témoigna combien il regrettait de ne pas avoir 10 ans de moins afin de nous conduire, et pour rien en nous défendant contre les Russes, s'ils s'en présentaient. En nous disant cela, il nous montrait sa vieille hallebarde attachée le long d'une pièce de bois. Mais il donna tant d'instructions aux Juifs sur la route qu'il consentit à nous conduire, après avoir toutefois bien regardé et vérifié si tout ce que nous lui donnions était de bonne aloi. Il était 9 heures du matin lorsque nous nous mîmes en route. C'était le 24 novembre. Toute la famille polonaise resta longtemps sur le point le plus élevé, nous suivant des yeux et nous faisant des signes d'adieu avec leurs mains. Notre guide marchait devant, tenant notre cheval par la bride. Picard parlait seul, s'arrêtant quelquefois, faisant le maniement d'armes. Tout à coup, je ne l'entends plus marcher. Je me retourne, je le vois immobile et au port d'armes, marchant au pas ordinaire, comme à la parade. Ensuite, il se met à crier d'une voix de tonnerre « Vive l'empereur !» Aussitôt, je m'approche de lui, je le prends vivement par le bras en lui disant « Eh bien, Picard, qu'avez-vous ?» Je craignais qu'il ne fût devenu fou. « Quoi ?» me répondit-il comme un homme qui se réveille. « Ne passons-nous pas la revue de l'empereur ?» Je fus saisi en l'entendant parler de la sorte. Je lui répondis que ce n'était pas aujourd'hui, mais demain, et le prenant par le bras, je lui fis allonger le pas, afin de rattraper le juif. Je vis de grosses larmes couler le long de ses joues. « Et quoi ?» lui dis-je, un vieux soldat qui pleure. « Laissez-moi pleurer, me dit-il, cela me fait du bien. Je suis triste, et si demain je ne suis pas au régiment, c'est fini. Soyez tranquille, nous y serons aujourd'hui. J'espère, ou demain matin, ou plus tard. « Comment, mon vieux, voilà que vous vous affectez comme une femme. »« C'est vrai, me répondit-il, je ne sais pas comment cela est venu. Je dormais ou je rêvais, mais cela va mieux. À la bonne heure, mon vieux, ce n'est rien. La même chose m'est arrivée plusieurs fois, et le soir même que je vous ai rencontré. Mais j'ai le cœur plein d'espérance depuis que je suis avec vous. » Tout en causant, je voyais mon guide qui s'arrêtait souvent, comme pour écouter. Tout à coup, je vois Picard se jeter de tout son long dans la neige, et nous commander d'une voix brute « Silence !» Pour le coup, dis-je en moi-même, c'est fini, mon vieux camarade est fou. Que vais-je devenir ? Je le regardais saisi d'étonnement. Il se lève et se met à crier, mais d'une voix moins forte que la première fois. « Vive l'empereur ! Le canon ! Écoutez, nous sommes sauvés !»« Comment ? Lui dis-je. » « Oui, continua-t-il, écoutez. » Effectivement, le bruit du canon se fait entendre. « Ah, je respire, dit-il, l'empereur n'est pas prisonnier, comme le coquin d'émigré le disait hier. » « N'est-il pas vrai, mon pays ? » Cela m'avait tellement brouillé la cervelle que j'en serais mort de rage et de chagrin. Mais à présent, marchons dans cette direction, c'est un guide certain. L'enfant d'Israël nous assurait que c'était dans la direction de la Bérézina que l'entendait le canon. Enfin, mon vieux compagnon était tellement content qu'il se mit à chanter. Air du curé de Pomponne. Les Autrichiens disaient tout bas, les Français vont vite en besogne. Prenons, tandis qu'ils n'y sont pas, l'Alsace et la Bourgogne. Ah, tu t'en souviendras, la rira, du départ de Boulogne. Une demi-heure après, notre marche devint tellement embarrassante qu'il était impossible de voyager plus longtemps. Notre guide croyait s'être trompé. C'est pourquoi, rencontrant un espace assez élevé pour y marcher plus à l'aise, nous n'hésitâmes pas un instant à nous y jeter, espérant y rencontrer un chemin où nous puissions marcher avec plus de facilité. Nous entendions toujours le bruit du canon, mais plus distinctement, depuis que nous avions pris cette nouvelle direction. Il pouvait être alors midi. Tout à coup, le canon cessa de se faire entendre. Le vent recommença et la neige le suivit de près, mais en si grande quantité que nous ne pouvions plus nous voir, de sorte que le pauvre enfant d'Israël finit par renoncer à conduire le cheval. Nous lui conseillâmes de monter dessus. C'est ce qu'il fit. Je commençais à être extrêmement fatigué et inquiet. Je ne disais rien, mais Picard jurait comme un enragé après le canon qu'il n'entendait plus, et après le vent, disait-il, qui en était la cause. Nous arrivâmes de la sorte dans un endroit où nous ne pouvions plus avancer, tant les arbres étaient serrés les uns contre les autres. À chaque instant, nous étions arrêtés par d'autres obstacles. Nous allions mesurer la terre de tout notre long et nous enterrer dans la neige. Enfin, après une marche pénible, nous eûmes le chagrin de nous retrouver au point où nous étions partis une heure avant. Voyant cela, nous arrêtâmes un instant. Nous bûmes un coup de mauvaise genièvre que le juif nous avait donné. Ensuite, nous délibérâmes. Il fut décidé que nous irions joindre la grande route. Je demandai à notre guide si, dans le cas où nous ne pourrions pas gagner la route, il pourrait nous reconduire où nous avions couché. Il m'assura que oui, mais qu'il faudrait faire des remarques où nous passions. Picard se chargea de cela en coupant de distance en distance des jeunes arbres, bouleaux ou sapins, que nous laissions derrière nous. Nous pouvions avoir fait une demi-heure dans ce nouveau chemin lorsque nous rencontrâmes une cabane. Il était presque temps, car les forces commençaient à me manquer. Il fut décidé que nous y ferions une halte d'une demi-heure pour y faire manger le cheval, ainsi que nous. Le bonheur voulut qu'en y entrant, nous trouvâmes beaucoup de bois sec à brûler, deux bancs formés de deux grosses pièces de bois brut et trois peaux de mouton, qu'il fut décidé que l'on emporterait pour nous en servir si nous étions obligés de passer la nuit dans la forêt. Nous nous chauffâmes en mangeant un morceau de viande de cheval. Notre guide n'en voulut pas toucher, mais il tira de dessous sa capote de peau de mouton une mauvaise galette de farine d'orge, avec autant de paille que nous nous empressâmes de partager avec lui. Il nous jura par Abraham qu'il n'avait que cela et quelques noix. Nous en fîmes quatre parts. Il en eut deux, et nous chacun une. Nous bûmes chacun un petit verre de mauvais genièvre. Je lui en présentai un qu'il refusa, et cela pour ne pas boire dans le même vase que nous. Mais il nous avança le creux de sa main, et nous lui en versâmes, qu'il avala. Il nous dit alors que pour arriver à une autre cabane, il fallait encore une bonne heure de marche. Aussi, dans la crainte que la nuit ne vienne nous surprendre, nous résolûmes de nous remettre en route. C'est ce que nous fîmes avec une peine incroyable, tant le chemin était devenu étroit, ou plutôt l'on aurait dit qu'il n'y en avait plus. Cependant Samuel, notre guide, qui avait vraiment du courage, nous rassura en nous disant que bientôt nous le retrouverions plus large. Pour comble de malheur, la neige recommença à tomber avec tant de force que nous ne sûmes plus où nous diriger. Cet état de choses dura jusqu'au moment où notre guide se mit à pleurer, en nous disant qu'il ne savait plus où nous étions. Nous voulûmes retourner sur nos pas, mais ce fut bien pis à cause de la neige qui nous tombait en pleine figure. Nous n'eûmes rien de mieux à faire que de nous mettre contre un massif de gros sapins, en attendant qu'il plût à Dieu de faire cesser le mauvais temps. Cela dura encore plus d'une demi-heure. Nous commencions à être transis de froid. Picard jurait par moments. Quelquefois il fredonnait. « Ah, tu t'en souviendras, Larira, du départ de Boulogne !» Le juif ne faisait que répéter « Mon Dieu, mon Dieu !» Tant qu'à moi, je ne disais rien, mais je faisais des réflexions bien sinistres. Sans ma peau d'ours et le bonnet du rabbin que je portais sous mon shako, je pense que j'aurais succombé de froid. Lorsque le temps fut devenu meilleur, nous cherchâmes à nous orienter de nouveau, mais à la tempête avait succédé un grand calme, de manière à ne plus savoir distinguer le nord avec le midi. Nous étions tout à fait désorientés. Nous marchions toujours au hasard, et je m'apercevais que nous tournions toujours sur nous-mêmes, revenant continuellement à la même place. Picard continuait à jurer, mais c'était contre le juif. Cependant, après avoir marché encore quelque temps, nous nous trouvâmes dans un espace d'environ 400 mètres de circonférence, qui nous donna l'espoir de trouver un chemin. Mais après en avoir fait plusieurs fois le tour, nous ne découvrîmes rien. Nous nous regardions, car chacun de nous attendait un avis de son camarade. Tout à coup, je vis mon vieux grognard poser son fusil contre un arbre, et regardant de tous côtés comme s'il cherchait quelque chose, tirait son sabre du fourreau. À peine avait-il fait ce mouvement, que le pauvre juif, croyant que c'était pour le tuer, se mit à jeter des cris épouvantables et à abandonner le cheval pour fuir. Mais les forces lui manquant, il tomba à genoux d'un air suppliant, pour implorer la miséricorde de Dieu et de celui qui ne lui voulait pas de mal, car Picard n'avait tiré son sabre que pour couper un gros bouleau comme mon bras et le consulter sur la direction que nous avions à prendre. Il coupa l'arbre par le milieu, et ayant examiné la partie qui restait attachée au sol, me dit d'un grand sang-froid. « Voilà la direction que nous devons prendre. L'écorce de l'arbre de ce côté, qui est celui du nord, est un peu rousse et gâtée, tandis que de l'autre côté, celui qui est du midi, elle est blanche et bien conservée. Marchons au midi. » Nous n'avions plus de temps à perdre, car notre plus grande crainte était que la nuit nous surprît. Nous cherchâmes à nous frayer un chemin, ayant toujours soin de ne pas perdre de vue la direction de notre point de départ. Dans ce moment, le juif qui marchait derrière nous jeta un cri. Nous le vîmes étendu de tout son long. Il était tombé en tirant le cheval qu'il voulait faire passer entre deux arbres trop serrés l'un contre l'autre, de manière que le pauvre cogna, ne savait plus ni avancer ni reculer. Nous fûmes obligés de débarrasser et l'homme et le cheval, dont la charge ainsi que le harnachement étaient tombés sur les jambes de derrière. J'enrageais aussi de voir que nous perdions un temps aussi précieux. J'aurais volontiers abandonné le cheval, et il aurait fallu en venir là, si au bout d'une demi-heure d'effort, nous ne fussions tombés dans un chemin assez large, que le juif reconnut pour être la continuation de celui d'où nous avions perdu la direction. Pour preuve, il nous montra plusieurs gros arbres qu'il reconnaissait, parce qu'ils contenaient des ruches, qu'il nous fit voir, et qui, malheureusement, étaient perchées trop haut pour notre bec. Picard, ayant regardé à sa montre, vit qu'il était près de 4 heures. Nous n'avions pas de temps à perdre. Nous nous trouvâmes en face d'un lac gelé que notre guide reconnut. Nous le traversâmes sans difficulté, et tournant un peu à gauche, nous reprîmes notre chemin. À peine y étions-nous entrés, que nous vîmes venir à nous 4 individus, qui s'arrêtèrent en nous voyant. De notre côté, nous nous mîmes en mesure de nous défendre, mais nous vîmes qu'ils avaient plus peur que nous, car ils se consultaient afin de voir s'ils devaient avancer ou reculer en se jetant dans le bois. Ils vinrent à nous en nous souhaitant le bonjour. C'étaient 4 juifs que notre guide connaissait. Ils venaient d'un village situé sur la grande route. Ce village étant occupé par l'armée française, il leur était impossible d'y rester sans mourir de faim et de froid, car pour des vivres, il n'y en avait plus. Et il ne restait pas une maison pour se mettre à l'abri, pas même pour l'empereur. Nous apprîmes avec plaisir que nous n'étions plus qu'à 2 lieues de l'armée française, mais que nous ferions bien de ne pas aller plus loin aujourd'hui, parce que nous pourrions nous tromper de chemin. Il nous conseilla de passer la nuit dans la première baraque, qui n'était plus bien loin. Ils nous quittèrent en nous souhaitant le bonsoir. Nous continuâmes à marcher, et l'on n'y voyait déjà plus lorsque, heureusement, nous arrivâmes à l'endroit où nous devions passer la nuit. Nous y trouvâmes de la paille et du bois en quantité. Nous allumâmes de suite un bon feu au poêle en terre qui s'y trouvait, et comme il aurait fallu trop de temps pour faire la soupe, nous nous contentâmes d'un morceau de viande rôtie, et pour notre sûreté, nous résolûmes de veiller chacun notre tour, toutes les 2 heures, avec nos armes chargées à côté de nous. Je ne saurais dire combien il y avait de temps que je dormais, lorsque je fus réveillé par le bruit que faisait le cheval, causé par les hurlements des loups qui entouraient la baraque. Picard prit une perche et, ayant attaché au bout un gros bouchon de paille et plusieurs morceaux de bois résineux qu'il alluma, il courut sur ses animaux, tenant la perche enflammée d'une main et son sabre de l'autre, de sorte qu'il s'en débarrassa pour le moment. Il rentra un instant après, tout fier de sa victoire. Mais à peine était-il étendu sur sa paille qu'il revint avec plus de furie. Alors, prenant un gros morceau de bois allumé, il le jeta à 12 pas et commanda aux Juifs de porter beaucoup de bois sec pour entretenir le feu. Après cet exploit, nous n'entendîmes presque plus les hurlements. Il n'était pas plus de 4 heures lorsque Picard me réveilla en me surprenant agréablement. Il avait, sans m'en rien dire, fait de la soupe avec du gruau et de la farine qui lui restait. Il avait fait rôtir ce qu'il appelait du soigné, un bon morceau de cheval. Nous mangeâmes l'un et l'autre, d'assez bon appétit. Picard avait fait la part du juif. Nous eûmes aussi soin de notre cheval. Comme il se trouvait plusieurs grands bacs en bois, nous les avions remplis de neige, que la chaleur fit fondre. Pour la purifier, nous y avions mis beaucoup de charbon allumé. Elle nous servit de boisson et pour faire la soupe, et aussi pour donner à boire à notre cheval, qui n'avait pas bu depuis la veille. Après avoir bien arrangé notre chaussure, je pris un charbon, et me faisant éclairer par le juif, j'écrivis sur une planche en grand caractère l'inscription suivante. 2 grenadiers de la garde de l'empereur Napoléon, égarés dans cette forêt, ont passé la nuit du 24 au 25 novembre 1812. Dans cette cabane, la veille, ils ont dû l'hospitalité à une brave famille polonaise. Et je signais. À peine avions-nous fait 50 pas que notre cheval ne voulut plus marcher. Notre guide nous dit qu'il voyait quelque chose sur le chemin. Il reconnut que c'était 2 loups assis sur le derrière. Aussitôt, Picard lâche son coup de fusil. Les individus disparaissent, et nous continuons. Au bout d'une demi-heure, nous étions sauvés. La première rencontre que nous fîmes fut le bivouac de 12 hommes que nous reconnûmes pour des soldats allemands faisant partie de notre armée. Nous nous arrêtâmes près de leur feu pour leur demander des nouvelles. Ils nous regardèrent sans nous répondre, mais parlèrent ensemble pour se consulter. Ils étaient dans la plus grande des misères. Nous remarquâmes qu'il y en avait 3 de morts. Comme notre guide avait rempli ses conditions, nous lui donnâmes ce que nous lui avions promis, et après lui avoir recommandé de remercier encore de notre part la brave famille polonaise, nous lui dîmes adieu en lui souhaitant un bon voyage. Il disparut à grands pas. Nous nous disposions à gagner la grande route qui n'était éloignée que de 10 minutes de marche, lorsque nous fûmes entourés par 5 de ces Allemands qui nous sommèrent de leur laisser notre cheval pour le tuer et dire que nous en aurions notre part. 2 le prirent par la bride, mais Picard, qui n'entendait pas de cette oreille, leur dit en mauvais allemand que s'il ne lâchait pas la bride, il leur coupait la figure d'un coup de sabre. Il le tira du fourreau. Les Allemands n'en firent rien. Il le leur dit encore une fois. Pas plus de réponse. Alors il appliqua aux 2 qui tenaient la bride un vigoureux coup de poing qui leur fit lâcher leur prise et les étendit sur la neige. Il me donna le cheval à tenir et dit aux 2 autres « Avancez si vous avez de l'âme ». Mais voyant que plus un ne bougeait, il tira de la marmite qui était sur le cheval 3 morceaux de viande qu'il leur donna. Aussitôt ceux qui étaient à terre se relevèrent pour avoir leur part. Comme je voyais qu'ils mouraient de faim, pour les dédommager d'avoir été maltraités, je leur donnai un morceau de plus de 3 livres, qui avait été cuit au bivac, devant le lac. Ils se jetèrent dessus comme des affamés. Nous continuâmes à marcher. Un peu plus loin, nous rencontrâmes encore 2 feux presque éteints, autour desquels étaient plusieurs hommes sans vigueur. 2 seulement nous parlèrent. Un nous demanda s'il était vrai que l'on allait prendre des cantonnements et un autre nous cria « Camarade, allez-vous tuer le cheval ? Je ne demande qu'un peu de sang. » À tout cela, nous ne répondîmes pas. Nous étions encore à une portée de fusil de la grande route, et nous n'apercevions encore aucun mouvement de départ. Lorsque nous fûmes sur le chemin, je dis assez haut à Picard « Nous sommes sauvés. » Un individu qui se trouvait près de nous, enveloppé dans un manteau à moitié brûlé, répéta en élevant la voix « Pas encore. » Il se retira en me regardant et en levant les épaules. Il en savait plus que moi sur ce qui se passait.